Ousmane Diarra de l'association malienne des expulsés basée à Bamako qui va nous présenter le cas du Mali. Ok, merci beaucoup. 10 minutes également. La modératrice, je vais vous parler de la politique mise en écart des migrants, l'exemple du Mali. Donc de ce fait, j'ai deux axes que je vais vous présenter. Le cas du 6e au Mali et le sujet biométrique qui est mis en place actuellement au Mali. Et enfin, des pistes, des actions qu'on voulait mettre en place. Au Mali, l'agence Frontex n'est pas en tant que telle visible au Mali. Mais les politiques migratoires européennes opèrent depuis quelques années. Le cas du 6e, le Centre d'information et de gestion des migrations, va dans la droite ligne de la tendance de contrôle de flux migratoires imposée par l'Union européenne. Le 6e est une agence impulsée par la France et l'Espagne qui a été financé à hauteur de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, dont 4 millions de frais de structure sur le reliquat du 9e FED, Fonds européen pour le développement. Le 9e FED. Un 9e FED dans lequel la question des migrations n'était pas du tout prévue. Donc c'est un fonds qui est venu, ce n'était pas prévu de faire quelque chose avec la question de la migration. Ouverte depuis octobre 2008, le 6e avait pour but d'aider le Mali à faire sa politique migratoire, orienter les candidats de l'immigration sur le travail saisonnier et aider les migrants de retour au Mali. Donc ça c'était le but. Le 6e. En fait, le 6e cherche surtout à décourager les migrants et à faciliter ainsi une politique migratoire de fermeture des frontières dans la continuité des accords de coopération migratoire qui est en fait un accord de réadmission signé en 2007 avec l'Espagne. Donc cela veut dire que le Mali a signé des accords déjà avec l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne, mais ça sera toujours dans le cadre de réadmission des ressortissants maliens. Le 6e est un instrument de plus au service de l'Union européenne, comme l'est aujourd'hui l'agence Frontex. Donc, c'est le même regard, c'est le même travail que le 6e est en train de faire. Cet argent du Fed aurait dû être utilisé pour le développement du Mali. Dans ce cas, l'argent a servi à l'État malien à l'intimider des personnes pour dissuader de migrer. Le fonds Fed, hein, le fonds de développement, le 9e Fed. Ce qui n'a pas fonctionné du tout. De plus, le programme de l'immigration saisonnière également n'a pas vu le jour. Donc vous voyez, il y a eu une guerre politique, mais ça n'a pas du tout marché. L'Espagne aussi n'a pas honoré ses engagements sous couvert de crise économique. Donc il y a eu des accords qui a été signé pour faciliter les migrants de retour, dont le 6e devait aussi travailler pour faciliter les retours des migrants sans papiers en Espagne. Mais l'Espagne n'a pas pu vraiment honorer. L'ambition de l'Union européenne était de développer des 6e dans la région de la CEDEAO. À ce jour, aucun 6e n'a été créé. Donc le 6e au Mali, c'était le premier essai. Et ensuite, pour que le 6e puisse mieux travailler avec l'agence Frontex Ils ont essayé, c'était le premier essai. Donc si ça, ça a beaucoup marché, il allait implanter d'autres sixièmes dans l'espace CEDEAO pour pouvoir dénaturaliser les accords qui est entre le pays de la CEDEAO, parce qu'il y a une libre circulation entre le pays de la CEDEAO. Donc il y a des accords de réadmission qui va permettre à les pays européens de remettre les sans-papiers dans le pays d'origine. Et en revanche, les pays de la CEDEAO, qui a une libre circulation, aussi va se dénaturaliser. Ils vont commencer à le remettre dans leur propre pays. Par exemple, on a parlé tout de suite que le Frontex a envoyé des charters au Nigeria. Et le Nigeria aussi peut envoyer, peut refouler ou expulser les ressortissants de l'Afrique de l'Est. Donc c'est un danger qui est là. Quand même, à nos jours, il n'y a pas eu d'autre système qui a été créé. Mais il y a d'autres systèmes qui sont déjà mis en place, qui est mis en place encore pour le vrai contrôle, pour le vrai contrôle des migrants. Donc il y a la question de biométrie. Depuis en 2005, la France et d'autres pays européens a mis en place des passeports et des visas biométriques à la mise en place de systèmes élaborés de fichage. Donc, on a un système biométrique au Mali maintenant depuis 2005. Il y a eu le RAVEC. Le RAVEC, c'est biométrique. Donc, c'est pour d'abord identifier les Maliens parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui passe vers le Mali. Le Mali est un pays de départ, est un pays de transit. Donc, les documents maliens, c'est-à-dire le passeport et les cartes d'identité maliens, étaient très faciles pour tous les ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Donc, la France et l'Espagne et d'autres pays de l'Union européenne, quand même, ils ont mis en place des systèmes biométriques pour pouvoir mieux contrôler les Maliens, qui sont des Maliens, qui ne sont pas des Maliens, en collaboration avec des pays tampons. Par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il n'y a pas de visa entre le Mali et ces pays. D'ailleurs, il n'y a pas de visa entre la CEDEAO et ces pays. Mais comme ils ont vu l'espace CEMAC, comme le Cameroun, le Congo, le Zaïre, ils passent vers le Mali et ils prennent les documents maliens, ils voyagent avec ces documents. Maintenant, le contrôle biométrique est déjà mis en place. C'est pour afficher les migrants. Aussi, depuis 2006, il y a eu des formations. Les formations sont organisées pour les polices et les gendarmes maliens à l'aéroport de Bamako en matière de détection des faux documents par des officiers en liaison de l'immigration. Donc, on a eu beaucoup de financement. C'est l'Espagne qui avait fait à un moment donné des financements pour essayer de former certaines polices pour mieux travailler dans les gares routières et à l'aéroport de Bamako. Donc, ils sont en liaison avec la migration. Ces officiers participent également à la mise en place de nombreuses postes frontières dans tout le pays, financés par l'Union européenne. Donc, vous voyez un peu, auparavant, c'est l'Espagne qui est en avance, qui est devant, et après, c'est l'Union européenne maintenant, tous les pays de l'Union européenne, à travers même leur union, qui donnent beaucoup de financement, beaucoup d'argent pour que ces polices espagnoles ou françaises qui viennent former la police malienne à l'aéroport et à la gare, pour qu'ils puissent encore renforcer les frontières et contrôler strictement le départ des migrants. Il s'agit des migrants potentiels. Donc, de ce fait, c'est très dramatique. C'est très dramatique parce que j'ai seulement une minute. Caro a parlé, l'agence Frontex, Amadou a parlé, l'agence à Varsovie. Vous avez vu le premier drame en 2005 entre le CEITA et Emilia, et ça continue toujours, ça continue toujours. Maintenant, il y a des fortes coopérations entre l'agence Frontex et nos pays, dans nos pays eux-mêmes, les ministères affaires étrangères ou les ministères de la coopération en train de développer des conventions, de surveillance au pays. Là que je vous parle, la semaine passée, avant que je sois là, le Mali a bénéficié d'un projet financé par l'Union européenne à travers la CEDEAO pour pouvoir informer et sensibiliser les candidats potentiels à l'immigration. Mais sensibiliser comment, informer comment? C'est toujours le même travail de Frontex. On a une piste d'action. En conclusion, nous n'avons pas de frontières maritimes avec l'Espagne, mais cela n'a pas empêché que les contrôles descendent jusqu'au Mali. Frontex n'est pas encore visible dans notre pays, mais il est très présent dans les pays voisins, comme la Mauritanie, Amadou vient de dire, et au Sénégal, où ils ont un bureau. Ils disposent d'un bureau au Sénégal, déjà. Donc, ils sont à côté du Mali, parce que le Sénégal et la Mauritanie font des frontières avec le Mali. Donc, cela veut dire que c'est très important qu'on soit être très vigilant. Alors, dans ce cadre, dans le cadre de campagne de Frontexil, une lettre sera adressée à la délégation de l'Union européenne au Mali, au 6e, au ministère du Mali, de l'Extérieur et de l'Intégration africaine et au président de la Commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale pour demander des comptes sur la collaboration entre le Mali et le Frontex. Je vous remercie.